Le comité de souvenir du camarade Kim Il-sung est constitué à Helsinki, Finlande. Le comité du Congo démocratique pour le souvenir du président Kim Il-sung à Kinshasa. Le comité de la ville de Palatinsk pour le souvenir du président Kim Il-sung en Russie. Et le comité roumain de souvenir du camarade Kim Il-sung au nouveau parti socialiste roumain. Les comités de souvenirs ont décidé d'organiser les cérémonies comme le rassemblement de souvenirs, le séminaire sur les exploits, l'exposition de photos et la science de films à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung. Par ailleurs, le comité du territoire maritime de Russie pour le souvenir du camarade Kim Il-sung est constitué le 1er juillet.